putain ils scheme dans le bac. Cream of the crack, héritier et king dans le black. Mets de l'or dans le vice, contre le bif dans le sac. De l'or sur les tifs, on maîtrise comme des G's. On te fise, nique ton disque dans les bacs, dans la street. C'est la base qui domine, je baisse ta copine, coquine. Aucune estime pour sa team, on est intouchable. On plaît nos coupables, intouchable. Un bloc sous la table, on est intouchable. Une équipe compacte, la weed dans le sac. Weed dans le snap, on est intouchable. Plaider sur CD, DVD, pour aider les projets à décoller, épauler, alors faut que ça tienne. On connaît que donner des panneaux, des années, le sommet n'est pas loin. Concentré, on attend tous la même. Une vie en bord de mer, maison pour la mer. Sœur, frère, pépère, loin du mal, oui c'est clair. Fixe, net, précis, écoute bien mes récits. Rika Buzz, penseur, oh Lord, amusy. Servir notre style, v'là les millions, pile dans le milieu. Sache qu'on est intouchable, on plaide nos coupables. Intouchable, un bloc sous la table, on est intouchable. Une équipe compacte, la weed dans le sac. Weed dans le snap, on est intouchable. On plaide nos coupables, intouchable. Un bloc sous la table, on est intouchable. Comme si j'étais le pape, pape. M'aller dans le champagne, si tu me cherches, ça fait pap, pap, pap. Dans ta putain de face, pécho des tasses, ramasse des liasses, on masse. Et puis je trace, je casse des liens à tous les. Pimps, hoes, ballers and players. J'suis plus high que le Himalaya. Dis-moi qui est le Mac Daddy sur le terrain. Buzz, sponsor, tu parles beaucoup mais tu ne fais rien. T'es rien dans l'univers des joueurs. Les ennemis me croisent et changent de couleur. Je porte mes couilles, tu portes plainte. Indiscret quand je rentre dans la salle. Comme quand la porte grince. Des gros uns, c'est des poules. J'suis dans la sono, photo mais ce n'est pas le beat de poule. Biatch, c'est la motherfucking base. Rien n'est semblable, on est intouchable. Alors sache qu'on est intouchable. Toujours bien équipé, skills authentiques. La base, true commerce, ramène que du vrai. Peace.